avec Jérôme et les nouvelles. Tiens donc, regardons ça, ça donne bien à quelques jours du déclenchement des élections. Le PQ qui se serait entendu avec Alcoa sur les tarifs d'électricité. C'est parce que Alcoa se plaignait d'un choc tarifaire hein, concernant les augmentations d'électricité chez Hydro-Québec. Puis il était pas content, puis il menaçait de fermer définitivement. Il y aurait une entente. Là. Pauline Marois serait à Baie-Comeau aujourd'hui, là, puis il y aurait une entente. En fait, je sais pas si Pauline va être là, mais il va avoir... Oui, elle va être là. Moi, je viens de voir ça sur le Twitter de Jean Lapierre. Là. Visite surprise de Mme Marois à Baie-Comeau aujourd'hui. Et Radio-Canada, il y a quelques minutes, confirmait une entente entre le gouvernement du Québec et Alcoa sur cette question-là. Je te le dis, Jérôme, tout ce que touche le PQ se transforme en succès. Ouais, je prépare la suite, là. Okay, gouvernement péquiste majoritaire, aimerait ça garder mon micro. Je prépare, là. Ouais, parce que c'est-tu dans le programme, créer un CRTQ? C'est pas dans le programme. CRTQ, ouais. Au lieu du CRTC, ben, un CRTQ, là. On sait qu'Amir Kadir nous fermerait, là. Ça, il l'a dit net, ou il nous fermerait, il l'a dit très sérieusement. Genre de dangereux que tu dois même pas y donner l'autorité parentale d'une maison, là. Et ils me font pas aussi peur qu'Amir Kadir, mais ils me font peur, le PQ. Avec leur agenda linguistique, là, puis la loi 101, puis tout ce qu'on pourrait nous mettre comme contrainte dans un contexte de gouvernement majoritaire sont épeurants quand même. Là, t'auras compris que tout le monde nous écrit, c'est Poutine. Sauf finalement les Poutines.